son est lourd, t'en as mal au chicot. Au mic y'a pas de mytho, c'est anti-anti-mytho. Les vrais se reconnaîtront via nos champs lexicaux. Ça fait un bail que j'ai pas trempé ma plume. Mon angle s'est séché, j'ai le cœur couvert d'amertume. Pourtant j'ai trop le seum, des rimes plein la tête. Dépressif et mon âme alors que ma vie est complète. Mais c'est comme une compète, je ressens que des défaites. J'essaye de me plaire mais ce n'est pas chose faite. Ma main n'est pas prête à retranscrire mes pensées. Du mal à me lancer sans chier dans le sens. C'est affreux de savoir qu'on se libère seulement défoncé. J'aimerais un jour avoir le pouvoir de y renoncer. De ne plus repenser aux douleurs de mes versets. Ça me démange de pas écrire comme un gamin et sans cesser. J'ai besoin de mon rap, j'ai besoin de l'amour. Si ma plume n'écrit plus, le poids à moi est trop lourd. C'est comme être enfermé, impossible s'exprimer. C'est étrange quand par soi même peut se sentir opprimé. Tout type est bass derrière le micro. Notre son est lourd, t'en as mal au chicot. Au mic y'a pas de mytho, c'est anti-anti-mytho. Les vrais se reconnaîtront via nos champs lexicaux. Tout type est bass derrière le micro. Notre son est lourd, t'en as mal au chicot. Au mic y'a pas de mytho, c'est anti-anti-mytho. Les vrais se reconnaîtront via nos champs lexicaux. Rien à dire à part ça, ni comme mot que les piercings. Les salopes se reconnaîtront parmi toutes mes fiancées. J'ai la classe du Barça, rêve de Bercy. Les vrais se reconnaîtront, je leur dis merci. Je te parle de 10, tu me parles de 100. On pourra jamais se croiser, je monte pendant que tu descends. Je te parle de si, tu me parles de ça. Vas-y, vas-y, vas-y, ça peut changer tes peu ça. Mimi comme une paire de lunettes à 800 €. Les petites putes de première mon clan, c'est sans eux. Pour les ghetto boys qui se reconnaissent, c'est pour les ghetto boys, cité de SENS. BYSS, ça fait longtemps t'as pas entendu, alors dédicace au poteau. Ouais. BYSS, toi-même tous ces quartiers ne jouaient là pour remonter le niveau. Ouais, ouais. Tout type est bass derrière le micro. Notre son est lourd, t'en as mal au chicot. Au mic y'a pas de mytho, c'est anti-anti-mytho. Les vrais se reconnaîtront via nos champs lexicaux. Tout type est bass derrière le micro. Notre son est lourd, t'en as mal au chicot. Au mic y'a pas de mytho, c'est anti-anti-mytho. Les vrais se reconnaîtront via nos champs lexicaux. La chronique visionnaire comme Millie. C'est FL easy, pas besoin de 9 milli-milli. Flow Soul City, depuis l'époque de Biggie. Une Guinness à la main et je défourais comme Crystal Billy. M&M et me détester. Ça n'allégera pas mes épaules, ça ne va pas les lester. Paradoxal, je suis fait de noir et de vert. Froid et d'éther, l'espoir qui jaillit des ténèbres. On raille les music, brave heart sur le beat. Tout deep et bass, cous, là la famille sur le titre, c'est danger. Depuis que mon rap a changé, moi je suis toujours le même, je traîne avec les frangins. J'ai pas besoin de ton approbation, ni de ton absolution. Chaque problème a sa solution. J'y mets tout mon cœur, j'ai le veau, serre en ébullition. Un ange déchu avec cette tâche comme punition. Tout type est bass derrière le micro. Notre son est lourd, t'en as mal au chicot. Au mic y'a pas de mytho, c'est anti-anti-mytho. Les vrais se reconnaîtront via nos champs lexicaux. Tout type est bass derrière le micro. Notre son est lourd, t'en as mal au chicot. Au mic y'a pas de mytho, c'est